Unité 3, phonétique. Exercice B. 1. Les chats. 2. Les filles de Josiane. 3. L'appartement. 4. Le touriste. 5. Les fêtes. 6. Les dentistes. 7. La charcutière. 8. La chaussure.